cherché dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose. Nothing to lose, to lose, to lose. Why don't you get it? Toi tu rentres chez toi, peinard, et moi je retourne au comptoir.